vous écoutez Future Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va faire une incursion maintenant dans le monde de l'architecture en s'intéressant aux grands immeubles en bois qui poussent ici et là un peu partout. Valérie, au-delà de l'architecture, ces grands immeubles de 10 étages en bois soulèvent de multiples questions scientifiques. On peut parler de résistance des matériaux, de résistance au feu et même d'environnement. Ben oui, c'est le genre de sujet transversal qui montre à quel point il est nécessaire parfois d'avoir une vision globale. Et c'est justement ce que montre un article paru dans la section News du magazine Science le 22 septembre, la semaine dernière. Oui. Et c'est particulièrement intéressant parler de grands immeubles en bois. On en a un qui est en train de pousser à Québec, justement, à Pointe-aux-Lièvres. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler. Il y a quelque chose qui pousse à côté de chez nous. Donc, c'est le condo Origine. Ben, c'est son nom au bâtiment, qui fait 13 étages. En fait, le premier étage est en béton et il y a 12 étages au-dessus qui sont en bois. Et donc, on peut se poser des questions sur une telle structure. Donc, il faut savoir, en fait, qu'il y a des antécédents à Québec avec le bâtiment Fonds d'Action sur le boulevard Charest, qui fait déjà 6 étages tout en bois. Il y a aussi un autre édifice à logement dans Saroc, un peu plus discret. Il s'appelle le District 03, qui fait lui aussi 6 étages. Et de par le monde, cet élan vers des grands bâtiments en bois a commencé en Europe. Donc il y a plusieurs bâtiments aussi à l'autre côté de l'Atlantique qui font entre 7 et 10 étages, tout en bois, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Il y en a aussi en Australie. Et je crois que pour l'instant, le record de hauteur, c'est en Norvège, il y a un bâtiment qui fait 14 étages. Et l'article dans Science, en fait, donc ce record de 14 étages va être battu. L'article dans Science prend comme point de départ le bâtiment qui est en train de se construire à Vancouver. C'est sur le campus universitaire, en fait, et il fera 18 étages. Ah ouais? Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce qu'on pourrait aller encore plus haut que 18 étages? Ben, en fait, ce bâtiment à Vancouver qui fera 18 étages n'aura pas le record très longtemps parce qu'il y a un bâtiment de 21 étages à Amsterdam qui doit se construire, la construction doit commencer l'année prochaine. Donc ça, c'est ce qui est concrètement en train de se faire. Puis après, sur la table à dessin des architectes, il y a des architectes comme Michael Green, en Colombie-Britannique, qui a imaginé des structures de 30 étages. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. À l'Université de Cambridge, il y a un ingénieur architecte, Michael Ramage, qui a imaginé, lui, carrément un bâtiment de 80 étages. 80, donc là, okay. Bon, là, c'est vraiment sur la planche des dessins, on n'est pas encore prêt de le construire, celui-là. C'est ça, mais on a quand même du mal à imaginer que le bois peut être... Bon, on pourrait aller aussi haut, peut être aussi résistant que de l'acier ou du béton. Ouais, c'est ça, exactement. Mais d'un autre côté, il faut quand même réaliser qu'il y a des arbres de 30 à 50 mètres de haut, même des fois plus, qui résistent très bien au vent, donc qui sont capables de supporter leur propre poids. Donc des fois quand même, une bûche c'est lourd, mais quand on a 30 mètres de haut de bois plus le diamètre, etc., c'est vraiment très lourd et bon, ils sont capables de le supporter. Donc le bois par nature est quand même plus solide qu'on ne l'imagine. Puis il faut voir aussi que ces bâtiments de 10 étages, évidemment, ils sont pas construits en 2x4 comme notre petite maison, ni même d'ailleurs avec des poutres de bois rond. Donc le bois, ils sont construits en bois d'ingénierie. Et en fait, c'est des poutres ou même des fois carrément des dalles qui sont faites avec des têtes d'épinettes. Donc, je m'explique. Bon, une épinette, on la coupe, on la débite, on en fait des 2x4, même des 2x6. Mais en haut de l'arbre, il y a la tête. Et le diamètre est trop petit pour en faire des 2x4 ou des 2x6. On a des morceaux qui font des 1x2 ou des 1x1. Et c'est ce morceau-là qu'on va coller, assembler pour faire des poutres. Alors on peut se demander, ouais, mais ces petits morceaux de 1x1, de diamètre, de section, là, 1 pouce sur 1 pouce, c'est quand même pas beaucoup, est-ce que c'est résistant? Eh bien, la réponse est oui, parce que c'est du bois tout jeune, tout frais, tout neuf, et vous l'aurez sûrement remarqué, quand on coupe une tranche de ces bois tout neufs, les cernes sont très, très, très, très serrées par rapport à du bois plus vieux, et ce qui les rend plus résistants. Donc, dans le fond, c'est qu'on utilise ces petits morceaux-là de 1x2, 1x1, pour faire des grosses poutres. Oui, c'est ça. On reconstitue. Donc, c'est la section 1x1 ou 1x2, mais en longueur, ils sont quand même plus longs. Donc, on assemble ça et on en fait des poutres reconstituées. Et même des panneaux. Donc là, pour faire des panneaux, on aligne les morceaux pour faire une planche. Puis on fait une autre planche et on colle les deux planches l'une au-dessus de l'autre, mais de manière à mettre les fibres du bois perpendiculaires. OK. Donc la deuxième, de sorte que la deuxième épaisseur est perpendiculaire à la première. Puis on ajoute comme ça une troisième planche, etc. Jusqu'à avoir finalement des panneaux de 15 cm d'épaisseur. Puis ça peut atteindre plusieurs mètres de long également. Donc les fibres de bois, on le sait, elles sont plus résistantes dans le sens de la longueur, normalement. Mais comme dans ces dalles, on a des fibres dans les deux sens, selon les planches de bois qu'on a collées l'une sur l'autre, ben on a une dalle qui est résistante autant dans le sens de la longueur que de la largeur. Donc ça en fait vraiment des matériaux aussi solides que l'acier ou le béton. Et avec ces poutres et ces panneaux en bois d'ingénierie, ben on peut ériger des structures de 10 étages qui vont résister au vent et au séisme. Et puis, pour le vérifier, ben, y a des essais carrément grandeur nature hein, où on construit des immeubles de plusieurs étages, on les met sur des tables de simulation sismique, on fait vibrer la table et on simule, donc on fait subir à la construction ouais. carrément une secousse de 7 sur l'échelle de Richter, par exemple. Ça s'est fait, ils ont fait ça au Japon, justement. Okay. C'est ce qui doit se faire aussi, ils en parlent aussi également dans l'article. OK. Donc là, on a parlé de résistance. Ça semble être possible. Bon, mais c'est sûr que le bois, le danger, ce à quoi on pense, c'est le de brûler, c'est l'incendie, c'est le feu. Ben oui, c'est vrai. C'est sûr que dans l'imaginaire, y a une équation, la bois égale feu. Mm-hmm. Mais avant de parvenir à enflammer une poutre d'un pied ou d'épaisseur ou plus de diamètre, ben, va falloir se lever tôt quand même. Hein. Donc en fait, après un incendie de forêt, ce qu'on voit, ce sont des troncs calcinés, toujours debout, dans un paysage de cendres. Alors, certains de ces arbres sont morts, mais ce qui est important de noter, c'est que l'arbre est toujours debout. Donc, en fait, la couche calcinée qu'on voit autour de l'arbre, elle a protégé le cœur du tronc. Et c'est ce qui fait qu'il n'a pas été vraiment atteint par les flammes, et il est toujours debout. Alors, évidemment, ça dépend du diamètre. On imagine bien qu'un arbre de 2 mètres de diamètre, il va rester plus longtemps au feu qu'un arbre de 20 cm de diamètre. Là, on le verra peut-être plus, celui-là. Donc, avec une poutre de bois d'ingénierie, ben, il se passe la même chose. Ça va carboniser en circonférence et le cœur va être protégé. Et surtout, ce qu'on sait maintenant, on sait à quelle vitesse le feu va calciner la poutre et pénétrer à l'intérieur. Alors, comme le code du bâtiment, il dit que l'immeuble doit rester debout pendant 2 heures, le temps d'évacuer les gens qui sont là, et aussi le temps de permettre aux pompiers d'agir, de pouvoir agir en étant sûr que le bâtiment ne leur tombe pas dessus, ben à ce moment-là, on sait à quelle épaisseur de bois il faut mettre pour que le bâtiment reste debout pendant 2 heures. Mm-hmm. Puis tout ça, c'est évidemment testé aussi en grandeur nature, ben, pas sur des immeubles entiers, mais on met aussi des dalles de ces gros morceaux de bois, on met l'incendie, puis on garde si effectivement combien de temps il faut faire pour que le feu passe à travers, pour que la chaleur même passe à travers. Okay. Mais justement, si ça prend des quantités relativement grandes de bois pour respecter les normes, mm-hmm. Quelle quantité de bois, quelle quantité d'arbres il faut couper pour construire un immeuble de 10 étages? Ben oui, il faut se poser cette question, effectivement, parce que c'est sûr qu'il faut mettre du bois, assez épais de bois pour que le feu passe pas à travers. Donc, ça, pour faire 10 étages, ça en prend. Donc là, les partisans de la construction en bois disent que le bois, c'est une ressource renouvelable. En plus, au Québec, c'est quand même une ressource locale, c'est une ressource canadienne, québécoise par excellence. Mais ça, c'est vrai, à condition de ne pas couper la forêt plus vite qu'elle ne pousse. Sinon, ça ne marche plus. Alors, au Québec, il y a 90% des forêts publiques qui sont certifiées avec la norme FSC ou SFI, qui certifient donc une certaine... qui répondent à ce qui se fait de mieux en ce moment en matière d'exploitation forestière. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et au Québec également, les volumes de bois autorisés à l'exploitation sont déterminés par le forestier en chef, le gouvernement. Donc l'industrie forestière ne fait quand même pas tout à fait ce qu'elle veut. Ceci dit, dans l'article de Science, l'auteur parle d'une étude de l'université de Yale, selon laquelle si on devait remplacer tout l'acier par le bois, faudrait tripler l'exploitation forestière et que les techniques actuelles d'exploitation entraîneraient une dégradation de la forêt. Donc, il faut quand même se poser des questions sur tout l'écosystème forestier. Il ne faut pas que ça prenne toute la place nécessairement. C'est ça, exactement. Et puis, en même temps, donc, cette même étude, elle reconnaît aussi que remplacer l'acier par le bois, ça réduirait de 15 à 20% les émissions des GES des bâtiments. Alors, pourquoi? C'est parce que le bois stocke du CO2, à part la photosynthèse, donc il stocke du CO2. Et aussi parce que pour faire des poutres de bois d'ingénierie, ça nécessite beaucoup moins d'énergie que pour fabriquer des poutres d'acier. Donc finalement, l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer ces bâtiments est moindre que pour un bâtiment plus classique en acier. Puis, il y a une autre étude néo-zélandaise qui est aussi évoquée dans l'article qui dit que l'empreinte carbone d'un bâtiment en bois est 30% plus faible que celle d'un bâtiment en acier ou en béton. Mais tout ça, c'est quand même de la recherche en cours. Il y a encore une autre étude de l'Université du Vermont qui dit qu'une forêt qu'on laisserait pousser pendant 100 ans, elle stockerait plus de CO2 que si cette même forêt était exploitée modérément et qu'on en faisait des matériaux de bois d'ingénierie qui stockeraient du carbone. Donc, c'est quand même encore... C'est pas réglé, c'est ça, cette l'affaire question-là. Est pas réglée. Non, c'est ça. Mais donc, c'est non seulement une question de recherche en ingénierie, mais c'est aussi d'avoir une contribution possible sur des bâtiments en bois pour la lutte contre les changements climatiques, finalement. C'est ça. C'est un peu l'enjeu de ces bâtiments en bois. C'est oui, il y a toute une question de prouesse technologique de faire des bâtiments de 20 étages en bois, mais aussi à quel point et comment ça peut contribuer. Mais ça, c'est pas clair encore, tout à fait. Ben, d'après ce que dit l'article là dans Science, effectivement, on n'a pas encore toutes les réponses. En tout cas, il n'y a peut-être pas juste une solution. Peut-être que ça peut contribuer, mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas remplacer tous les bâtiments en acier, en béton par du exact. Bois. Ben, merci Valérie. On passe maintenant en publicité sur CKRL au 89.1. Au retour, on parle évolution avec le biologiste Cyril Barrette.